Moi je veux sans raison rimer, rimer sans raison, simplement rimer en toute saison. Ça ne rime à rien, ça je le sais bien, la rime à dessous, sans dessus dessous. Quand même, sans raison rimer, rimer sans raison, simplement rimer en toute saison. De mauvaise aloi, une rime à l'endroit, une rime à l'envers, qu'est-ce que ça peut faire? Sans raison rimer, rimer sans raison, simplement rimer en toute saison. Ce sont là des vers à tort à travers, et sans queue ni tête, cul par-dessus terre. Ça ne rime à rien, ça je le sais bien, de faire des rimes, mais c'est pas un crime de rimer ainsi, debout ou assis, et pourquoi pas même rimer tête bête. Je veux encore rimer sans raison rimer, simplement rimer en toute saison. Oui, je veux encore rimer sans raison rimer, simplement rimer.